Ça y est, c'est officiellement ton point d'arrivée, on peut dire, ce soir. Donc, je sais pas, t'es où exactement? Eh ben, je suis donc sur l'île de Malte, donc en plein milieu de la Méditerranée. Et c'est effectivement la fin de l'itinéraire Eurovélo 7. Il n'y a pas vraiment de point d'arrivée comme le Cap Nord était le point de départ bien défini. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'itinéraire Eurovélo 7 défini à Malte. Mais voilà, moi j'ai fait le choix d'aller jusqu'au point le plus au sud de l'île pour faire écho au point le plus au nord qui était le Cap Nord. Voilà, donc je considère que j'ai terminé l'Eurovélo 7 aujourd'hui, un peu après-midi. Super. Du coup, il y a un nom de village, un nom de ville. Bah, pas vraiment. En fait, je me suis retrouvé dans une espèce de zone industrielle un peu paumée. Je ne saurais même pas dire dans quelle commune ça se situe, mais j'ai trouvé une belle falaise qui marquait vraiment la limite de l'île. Et voilà, après, face à moi, il y avait la mer. Voilà, c'était pour moi vraiment le point final. Mais j'ai pas de je sais même pas à quoi correspond cet emplacement exact. Et alors, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es arrivé face à la mer, avec ce sentiment d'être le plus au sud possible sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ben, il y a pas mal d'émotions qui se mélangent un peu à ce moment-là. J'étais déjà très très content d'être allé jusqu'au bout. D'avoir réussi tout le trajet sans grosse galère, sans pépin particulier. Donc ouais, une grande joie d'être allé au bout, une fierté aussi parce que c'est un projet assez important que je mène depuis plusieurs mois. Et donc voilà, je suis fier d'avoir mené depuis le début, depuis l'idée qui a germé dans la tête jusqu'à la réalisation. Et puis un peu de, je sais pas comment dire, de tristesse, un petit sentiment de vide en fait, puisque finalement c'était mon but depuis plusieurs mois. Et maintenant que j'arrive là, j'ai l'impression d'avoir atteint ce but, mais de pas avoir vraiment je sais pas comment dire, de choix pour la suite, de projet pour la suite. Alors je vais déjà prendre le temps de redescendre un peu, de rentrer tranquillement chez moi, de me poser. Mais voilà, ça marque vraiment la fin d'un projet et maintenant, je vais voir comment ça va se passer pour la suite. D'accord. Et donc, des sentiments mélangés, à la fois de la tristesse et de la fierté. Et du coup, est-ce que, ouais, comme tu dis, bah, c'est un petit peu la fin de quelque chose, mais on ne sait pas, enfin, tu vas quand même revenir à Grenoble. Donc, bon, ma question suivante, c'était sur le fait de voyager. Est-ce que. C'est aussi changer, se transformer, évoluer. Est-ce que tu es d'accord avec cette proposition? T'en penses quoi? Je pense qu'effectivement, ça transforme pas mal. On évolue au fur et à mesure du voyage, en fonction des lieux qu'on visite, des personnes qu'on rencontre, d'un peu tout ce qui se passe. Après, en ce qui me concerne, j'ai un peu du mal à réaliser parce qu'effectivement, ça se fait de manière un peu progressive, ça se fait petit à petit. Chaque jour, on découvre des nouvelles choses, on avance un petit peu sur un itinéraire. On découvre des nouveaux pays et donc voilà, ça se fait tellement progressivement que moi j'ai pas forcément l'impression d'avoir changé, mais c'est sûrement le cas et je pense que les gens que je vais retrouver en rentrant trouveront que j'aurais changé. Alors je sais pas dire de quelle manière, je sais pas dans quel domaine, C'est mais encore tôt j'espère pour le et dire. je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu tôt, mais je pense que c'est aussi un peu ce que j'étais venu chercher. Ce projet, ce voyage me fasse évoluer, alors j'espère dans le bon sens. Mais voilà, je sais pas encore dire qu'est-ce que je vais en tirer au final. Alors, tu es quand même dans cette idée de mission accomplie. Oui, tout à fait, ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment le premier. La première chose qui m'est passée par la tête en arrivant vraiment au bout de l'île, c'était ça y est, j'ai réussi. Quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais peut toujours y avoir un pépin mécanique sur le vélo, un petit souci de santé ou quoi que ce soit d'autre qui arrive au cours du voyage. Et puis là, voilà, je suis allé au bout sans aucun gros souci. Donc ouais, effectivement, mission accomplie, j'ai réussi. Bravo. Et pour revenir justement, pour montrer un peu aussi cette difficulté de terminer, dans ton blog, tu as montré un peu peut-être, c'est assez rare que tu montres tes émotions dans le blog, mais tu dis j'ai hâte de finir, j'ai hâte d'arriver au bout dans un de tes derniers posts. Et du coup, c'est vrai, ces derniers jours peut-être avant d'arriver, t'es un peu plus intense émotionnellement encore. Comment tu l'as ressenti, toi, ces quelques jours avant? Effectivement, ouais, j'avais un peu l'envie effectivement de finir parce que ça commençait à être un peu long et que je sentais que cette fin-là, que la fin arrivait, donc je me disais que voilà, de toute façon, elle allait arriver, donc autant que ça soit le plus vite possible, que ça traîne pas, que j'arrête de me fatiguer sur le vélo. Il y avait des jours où j'ai eu de la pluie, il y a eu des jours où j'ai eu des pentes très raides, donc c'était pas forcément les jours les plus agréables du voyage. Donc ces jours-là en particulier, c'est vrai que j'étais un peu pressé d'arriver. Maintenant, une fois que c'est fini, je me dis, c'est passé quand même très très vite. Alors j'en ai bien profité tous les jours, je pense que j'ai pris le temps qu'il fallait et que c'est passé ni trop vite ni pas assez, c'était à peu près la durée que j'avais estimée. Je suis content que ça ait duré cette durée-là et que voilà, maintenant je puisse retourner chez moi, reprendre ma vie d'avant en quelque sorte, retrouver tous les amis et la famille, ça va être important aussi. Et est-ce que ce soir tu vas faire un dernier post de blog? Je pense. J'en ai fait un à midi. Je ne sais pas si. D'accord. En fait, j'en ai fait un exceptionnel, on va dire. Vraiment pour marquer la fin, parce que voilà, c'était au moment où j'étais en train de. Enfin voilà, où j'étais sur la pointe de l'île. Et c'était vraiment un moment important pour moi, donc j'avais envie de le partager à ce moment-là. Ce soir, je vais faire un post de blog, mais plus, je pense, sur la visite de Malte que j'ai fait un peu après, plutôt dans l'après-midi. Mais le post de blog sur la fin du voyage, je l'ai fait en direct, en quelque sorte. D'accord. Oui, c'est clair qu'il y a aussi du partage sur ton blog, avec les commentaires. Justement, est-ce que pour terminer cette interview, est-ce que tu auras envie de dire quelque chose aussi à celles qui t'ont suivi sur ton odyssée, sur ton blog, sur l'Averti aussi? Eh ben, oui, déjà le premier mot qui vient à l'esprit, c'est merci, parce que j'étais un peu tout seul sur mon vélo la majeure partie du temps, mais grâce aux commentaires, grâce au blog, grâce à l'Averti, j'avais la sensation de pas vraiment être tout seul, d'avoir beaucoup de gens qui me suivaient, qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui attendaient presque impatiemment tous les jours le nouvel article sur le blog. Et donc, grâce à ça, ça me motivait aussi à continuer, à avancer plus facilement, parce que je savais que j'allais découvrir des nouvelles choses, que j'allais pouvoir partager avec les personnes qui me suivaient, qui étaient chez eux, qui étaient au bureau. Chacun a un peu sa vie, et moi c'était l'occasion de partager ces moments un peu exceptionnels que je vivais. Donc ouais, c'était un grand plaisir de pouvoir partager ça et d'avoir des interactions, d'avoir des retours des personnes qui me suivaient sur le blog. Alors je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui me suivaient, qui lisaient le blog sans particulièrement commenter, mais voilà, ça fait partie de la manière de partager aussi. J'aurais plaisir à retrouver tout cela en rentrant et à partager en direct les aventures que j'ai pu vivre pendant quelques temps. En tout cas, bravo, hein, parce que c'était un sacré challenge. Combien de kilomètres en tout, t'as eu un chiffre? Alors j'ai un peu perdu le compte sur la fin, en particulier au sud de l'Italie, parce que j'ai fait des changements d'itinéraire, j'ai un peu adapté au jour le jour. Sur le site officiel, il disait que ça faisait un peu plus de 7 200 km, je crois, donc je pense que je les ai atteints, voire même sûrement dépassés avec les journées où je me baladais dans les villes, des petits détours pour rejoindre les lieux de bivouac ou des campings. Donc ouais, ça fait un gros chiffre. Je n'ai pas forcément l'impression d'avoir fait autant parce que je faisais un petit peu chaque jour. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai Bonjour. encore un peu de mal à réaliser, je pense. Yes. Bon, et ben en tout cas pour l'Averti, c'était un plaisir de te suivre, d'avoir des nouvelles. Un plaisir aussi, ouais, de faire ces interviews régulièrement. Ça permettait de partager différemment ce que je vivais par rapport à ce que je pouvais raconter dans le blog. Donc pour moi, c'est une bonne expérience aussi.